Chapitre 5e. Cincinnati, ferme dans la forêt, Monsieur Bullock. Bien que je ne partage pas l'opinion de ceux qui trouvent que Cincinnati est une merveille de la terre, je pense cependant que c'est une ville extraordinaire par son étendue et par son importance. Lorsqu'on se rappelle qu'il y a 30 ans, la forêt primitive occupait le sol où elle a été bâtie, chaque année étend ses limites et augmente sa richesse. Quelques économistes américains assurent que cette rapide prospérité est le résultat d'institutions politiques. N'ayant aucune profondeur en de semblables matières, une cause toute simple vint se présenter à mon esprit. Je vis qu'il existait dans ce pays une nécessité absolue de travailler, et qu'il n'y avait absolument aucune ressource pour les paresseux. Pendant près de 2 ans que je demeurais à Cincinnati ou dans le voisinage, je n'ai jamais vu ni un mendiant, ni un homme assez fortuné pour pouvoir soulager la misère. Ainsi, chaque abeille de cette ruche est continuellement occupée à la recherche de ce miel d'Ibla, vulgairement appelé argent. Ni les arts, ni les sciences, ni les plaisirs ne peuvent les distraire de cette poursuite. Cette union de sentiments, soutenue par un esprit entreprenant et jointe à une finesse et à une absence de probité qui pourrait défier l'adresse des habitants du Yorkshire lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, donnent aux Américains de grandes facilités pour atteindre le but qu'ils se proposent. Le peu d'élévation des impôts permet aussi incontestablement d'accumuler plus de richesses individuelles qu'en Europe. Mais jusqu'à l'époque de mon voyage en Amérique, je n'avais aucune idée de la quantité d'argent réunie par l'impôt qui retourne parmi le peuple. Si j'étais législateur en Angleterre, au lieu d'envoyer les séditieux à la tour, je les enverrais faire une promenade dans les États-Unis. J'avais un peu de penchant moi-même à la sédition lorsque je partis, mais avant que mon voyage fût à moitié terminé, j'étais tout à fait guéri. J'ai lu beaucoup de choses sur les besoins simples et peu nombreux de l'homme raisonnable, et je donnais sans y réfléchir mon approbation à ce raisonnement qui dit que chaque nouveau besoin est un malheur de plus. Ceux qui raisonnent dans un commode salon à Londres en savent bien peu sur ce sujet. Si les aliments qui soutiennent la vie étaient tout ce dont nous avons besoin, les facultés d'import pourraient nous suffire. Mais si nous analysons une heure de plaisir, nous trouverons qu'elle est produite par d'agréables sensations, occasionnées à leur tour par 1000 impressions agissant avec délicatesse sur presque autant de nerfs. Si ces nerfs sont plus pesants parce qu'ils n'ont jamais été réveillés, les objets extérieurs sont moins importants puisqu'ils sont moins prisés. Mais lorsque toute la machine du corps humain est en pleine activité, lorsque chaque sens apporte sa dose de plaisir ou de chagrin, alors tous les objets en rapport avec les sens sont importants comme source de bonheur ou de peine. Mais qu'aucune des personnes ainsi constituées ne visite les États-Unis, ou si elles y sont obligées, qu'elles n'y restent que le temps nécessaire pour remplir leurs souvenirs d'images qui, par la force du contraste, adouciront leur avenir. Guarda e passa, e poi ragioniam di lor. La simplicité de mœurs dans l'Amérique de l'Ouest était plutôt désagréable, parce qu'elle ravalait aux manières du peuple, qu'à cause des privations qu'elle rendait nécessaires. Et cependant, ce ne fut que par ces privations que je devins sensible aux émotions de plaisir produites par l'élégance et l'espèce de luxe dont jouissent les classes mitoyennes en Europe. Il y eut bien des circonstances trop légères pour être rapportées, même dans ces pages si peu importantes qui nous tourmentèrent chaque jour et à chaque heure et qui nous forcèrent à nous rappeler péniblement que nous n'étions pas chez nous. Il faudrait une plume plus habile que la mienne pour indiquer les rapports qui existent, j'en suis persuadé, entre ses privations et l'esprit et les manières d'un peuple. On satisfait à bon marché tous les besoins physiques à Cincinnati, mais, hélas, ils ne composent qu'une faible partie de l'histoire des jouissances journalières. Le manque total et universel de manières chez les femmes comme chez les hommes est si remarquable que je m'en demandais constamment la cause. Ce n'est pas certainement faute d'esprit. J'ai souvent entendu en Amérique des conversations très lourdes et fort ennuyeuses, mais j'ai rarement entendu causer tout à fait sottement, si j'en accepte une classe qui est partout privilégiée, celle des très jeunes personnes. Les Américains me paraissent avoir de bonnes têtes et des esprits actifs. Ils sont plus ignorants sur les sujets qui ont seulement une valeur de convention que sur ceux qui sont d'une importance intrinsèque, mais il n'y a ni charme ni grâce dans leur conversation. J'ai bien rarement entendu, pendant mon séjour en Amérique, une phrase élégamment tournée et correctement prononcée sortir des lèvres d'un Américain. Il y a toujours quelque chose, soit dans l'expression, soit dans l'accent, qui fait mal à l'oreille et qui choque le goût. Je ne prétends pas décider si l'homme est plus ou moins heureux lorsqu'il exige l'élégance dans les manières et dans les habitudes de la société qui l'entoure, et qu'il ne trouve aucune jouissance sans elle. Mais il est certain qu'en Amérique, le poli qui cache ce que notre nature a de grossier et de rude est tout à fait inconnu. On n'y a jamais songé. On y trouve les commodités nécessaires et quelques fastes dans les plus grandes villes. Elles ressemblent à Paris et à Londres dans leurs traits principaux, présentant un immense assemblage d'êtres intelligents et actifs. Cependant, elles diffèrent de la manière la plus surprenante de ces deux dernières capitales. Que Dieu me préserve qu'un Américain sensé, et il y en a des millions, vienne me demander ce que je veux dire. Je trouverais difficile, peut-être impossible de m'expliquer. Mais d'un autre côté, tous les Européens qui auront visité les États-Unis me comprendront facilement. Je ne suis pas un juge compétent sur les institutions politiques de l'Amérique. Et si je fais de temps en temps une observation superficielle sur leurs effets, c'est avec l'esprit et les sentiments d'une femme qui peut rendre compte de ses premières impressions, mais qui est incapable de retourner à leur cause pour raisonner sur leurs effets. Si de telles observations sont indignes d'une grande attention, elles sont aussi exposées à peu de reproches. Mais il y a des particularités nationales que les femmes peuvent juger aussi bien que les hommes. On peut se fier à nous pour tout ce qui concerne la société. Lorsqu'on demanda au capitaine Hall ce qui lui paraissait former la plus grande différence entre l'Angleterre et l'Amérique, il répondit, en brave marin, « le manque de loyauté ». Si la même question m'était adressée, je répondrais « le manque d'élégance ». Si les Américains étaient disposés à imiter les Suisses, sans prétention au jour de leur simplicité pittoresque, lesquels cependant ne mâchèrent jamais de tabac, ce serait de mauvais goût de les blâmer. Ce n'est pas cela. Jonathan veut être un élégant gentilhomme, mais il veut l'être à sa manière. N'est-il pas un libre Américain ? Jonathan néanmoins doit se rappeler que s'il veut l'emporter sur l'ancien monde a le droit d'examiner de temps en temps comment il soutient ses prétentions. Je n'ai rien à dire sur le temps que les Américains consacrent aux affaires, soit judiciaires, soit commerçantes, soit civiles, soit militaires. Je ne fais aucun doute qu'ils emploient ce temps fort sagement et d'une manière profitable. Mais quelles sont les heures de récréation ? Ces heures qu'en Europe on passe au milieu de tous les plaisirs que les arts peuvent procurer. Si les hommes en Angleterre s'adonnent au plaisir de la table plus que la sagesse ne peut l'approuver, ils ont au moins leur excuse par la présence de l'élégance et de la beauté. Opposerais-je à cela les repas américains ? En général, ces derniers dînent seuls, excepté dans les tavernes et les hôtels où il se trouve une table d'hôte. Là, ils mangent avec la plus grande rapidité possible et dans un silence absolu. Et j'ai entendu dire, par des Américains, que le plus grand plaisir des hommes était de prendre un verre de genièvre avec un jaune d'œuf. Lorsqu'ils sont débarrassés de toute contrainte que ce soit, et lorsqu'il n'y a point de femmes autour d'eux. Malgré cela, l'Amérique est un beau pays qui mérite d'être visité par 1000 raisons. 999 de ces raisons sont fondées sur des choses qui méritent l'admiration et le respect. Le 1000e est qu'on se trouvera plus satisfait ensuite de son propre pays. Nous avions entendu dire de tous côtés que de tous les lieux de ce globe qu'on appelle la Terre, Cincinnati était le plus favorable pour l'établissement d'un jeune homme, et je n'attendais que l'arrivée de M. Trollope pour fixer mon fils dans cette ville, avant l'intention de demeurer avec lui jusqu'à ce qu'il fût habitué au pays. Nous nous arrangeâmes donc d'une manière aussi commode que possible. Je louai une maison plus considérable, que je n'obtins pas sans difficulté, bien que 1400 maisons eussent été élevées l'année précédente. Mais on n'avance pas à construire des maisons pour les demandes qui sont faites. Nous fîmes connaissance avec plusieurs personnes aimables, et nous adoucîmes le triste intervalle qui se trouva entre notre arrivée et celle de M. Trollope par de fréquentes excursions dans le voisinage, ce qui non seulement nous procura de l'agrément, mais nous fournit l'occasion d'observer la manière de vivre des gens de la campagne. Nous visitâmes une ferme qui nous intéressa particulièrement par sa situation solitaire et sauvage. Les habitants y étaient abandonnés à leurs propres ressources. C'était un lieu défriché au sein même de la forêt. La maison était bâtie sur le penchant d'une montagne si escarpée qu'une haute échelle était nécessaire pour entrer par la porte principale, tandis que celle de derrière s'ouvrait sur le flanc de la montagne. Au pied de cette hauteur, il y avait un courant d'eau limpide, dont on avait creusé le lit pour en faire un petit réservoir juste en face de la maison. Un beau champ de maïs s'étendait d'un côté de la forêt, quelques acres à moitié défrichés, où l'on voyait un ou deux hangars occuper l'autre côté. C'était l'asile des chevaux, des vaches et des porcs de la ferme, et d'une multitude innombrable de poulets. En face de la maison était un petit jardin rempli de pommes de terre et de quelques pêchers et pommiers. La maison était construite en bûches et consistait en deux chambres, outre un petit réduit qui servait de cuisine. Les deux chambres étaient meublées de bons lits, de commodes, etc. La femme du fermier et une autre jeune femme, qui avait l'air de sa sœur, filaient, tandis que trois petits enfants jouaient autour d'elle. La fermière me dit qu'elle filait et tissait tout le coton et la laine nécessaires aux vêtements de la famille. Elle tricotait aussi tous les bas. Elle faisait encore tout le savon et la chandelle qu'on usait dans la maison et préparait de même le sucre. Elle n'avait besoin d'argent, ajouta-t-elle, que pour acheter du café, du thé ou du whisky, et elle pouvait en gagner assez chaque jour en envoyant du beurre et des poulets au marché. Ces solitaires ne faisaient pas usage de leur blé, mais ne vendaient aucun de leurs grains, qui, quoiqu'en grande abondance, n'étaient que suffisants pour faire leur pain et leurs gâteaux de toute espèce, et pour nourrir leurs bestiaux pendant l'hiver. Ces femmes n'avaient pas l'air en bonne santé, et elles nous dirent qu'ils avaient tous la fièvre à la chute des feuilles. Du reste, elles semblaient satisfaites et fières de leur indépendance, quoique l'accent de la fermière fût un peu triste en disant « C'est une chose étrange pour nous de voir de la société, et souvent le soleil se lève et se couche plus de 100 fois, sans que nous ayons vu d'autres êtres humains que ceux qui composent la famille. » J'ai été minutieuse dans la description de cette ferme au milieu de la forêt, parce que je pense que c'est le meilleur échantillon de l'indépendance des bois dont on parle tant en Amérique. Ces gens sont réellement indépendants. Robinson Crusoe l'était à peine davantage, et ils ont à boire et à manger avec abondance. Mais cependant, il me semble qu'il y a quelque chose d'effrayant et presque de surnaturel dans cette solitude. Aucune cloche du village ne les appela jamais à la prière. Ils ne répondent pas à l'église aux salutations amicales de leurs compatriotes. Lorsqu'ils meurent, aucune terre consacrée ne reçoit leurs restes, et la religion ne répandra pas ses touchants et solennels adieux sur leur tombe. Le mari ou le père de la victime creusera sa fosse sous l'arbre voisin. Il l'y déposera lui-même, et le vent qui souffle à travers les branches sera le seul chant funèbre. Mais ils ne payent ni taxes ni impôts, ils ne sont pas obligés d'ôter leur chapeau par politesse, et vivent et meurent sans entendre et sans prononcer ces terribles paroles « God save the king ». À environ 2 000 au-dessous de Cincinnati, du côté de Kentucky, M. Bullock, le propriétaire bien connu du musée égyptien, a acheté un immense domaine sur lequel il a fait bâtir une belle habitation. Lui et son aimable femme se dévouent à l'embellissement de la maison et des terres qui en dépendent, et certainement il y a plus de goût et d'art prodigué dans un de leurs beaux salons que dans tout le reste de l'Amérique de l'Ouest. Il est impossible de ne pas sentir que M. Bullock est ici hors de son élément, et les produits précieux des arts qu'il a amenés avec lui paraissent aussi étranges dans ce lieu éloigné que le paraîtrait un buisson de roses en Sibérie ou un fashionable de Cincinnati au bal d'Almac. La magnificence de ce lieu commandant une des plus belles vues de l'Ohio, les jardins immenses et la belle et noble habitation ont tenté M. Bullock, et il a dépensé dans l'achat de ce lieu une somme considérable. Si quelqu'un qui a passé sa vie à Londres peut supporter un pareil changement, M. Bullock, dont l'esprit est actif et l'imagination ardente, en est capable. Mais son hospitalité franche est véritablement anglaise, et son esprit cultivé sont prodigués en vain dans ce désert. J'ai appris dans la suite avec plaisir que M. Bullock avait abandonné cette belle mais solitaire demeure.